Vous répondez ce que vous voulez, et puis si vous ne voulez pas répondre, vous mettez le doigt sur pause. Et en fait, c'est comme ça, que c'est un problème. Je voudrais savoir si vous, vous êtes né en Algérie. Comment ? Si vous êtes né en Algérie. Oui. Et si vous savez depuis quand vos ascendants sont en Algérie ? Oui, oui, je sais que c'est au niveau de mes grands-parents à la fin du siècle dernier. Pour des raisons économiques, d'une part, du côté paternel, c'était des petits commerçants, pâtissiers du midi de la France, qui avaient été ruinés par la crise du phylloxéra, et au moment où l'Union connaissait en Algérie, c'était une façon de se remettre d'aplomb sur le plan économique. Et du côté paternel, c'était simplement une séquelle de l'armée coloniale, puisque mon grand-père était maréchal Ferrand, donc d'origine rurale, et donc il s'était trouvé là, comme ça. C'est comme ça que... Et l'implantation familiale dans ma famille commençait. J'ai participé au peuplement colonial, donc les deux ancêtres sont arrivés aux alentours de l'année, il y a à peu près un siècle. Aux alentours des années 1886-1890, pour des raisons différentes, mais ça fait partie à peu près de la dernière grande vague des immigrants européens en Algérie. Il y a eu plusieurs vagues qui sont... Les immigrants d'origine française sont venus à peu près à cette époque-là. Du sud de la France. Du sud. L'Hérault d'un côté, le Nivernais de l'autre. Et est-ce qu'ils se sont implantés ici en Algérie ? Du côté maternel, c'était du côté de Skigda, qui s'appelait Philippe Ville à l'époque. Et du côté paternel, ça a été... oui, puisqu'il était... Maréchal Ferrand était le président de caserne près d'Alger, et qui s'était marié là, du côté... Et que mon père est né à Ussendé, alors que ma mère est née à Skigda. Est-ce que vous aviez des Arabes dans votre classe à l'école ? Dans ma classe primaire, secondaire, jamais, puisque j'étais à l'école de Père Jésuite, en France d'Afrique, et que cette école religieuse privée était à l'époque réservé pratiquement aux Européens censés être chrétiens. Donc enfants de fonctionnaires et enfants de colons. Et en général, enfants de colons pas très doués dans la mesure. C'était moins sévère qu'un enseignant. Et au lycée non plus. J'ai pas été au lycée, j'ai toujours été au lycée secondaire chez les Jésuites. Et est-ce que vous aviez des camarades algériens pour partager vos jeux dans la rue ? Je ne jouais pas dans la rue. Mais pendant les vacances, chez ma grand-mère à Vida, j'avais des camarades algériens. Dans votre famille, c'était accepté ? Oui. Oui, mais enfin, oui. C'était accepté. Et j'ai eu de bons camarades algériens, monsieur. Mais c'est simplement un compagnon de jeu de vacances, quoi. De Noël, de Pâques, d'été. Est-ce que vous avez appris à parler l'arabe ? Non. Mon père avait appris à parler l'arabe au lycée, parce qu'il avait été au lycée. Mais quand en classe de 6e, il fallait que j'apprenne une langue étrangère, au collège des Pères Jésuites, on ne savait pas l'arabe. Alors j'avais le choix entre l'anglais et l'allemand. Quand j'étais en Caraïbes, j'ai appris l'allemand. Drame. Quel est à vos yeux l'événement le plus important de votre rapport à l'histoire de l'Algérie ? C'est difficile. difficile de situer un événement décisif. Je crois que ça doit être l'année d'entrée en faculté et la découverte du nationalisme algérien, en gros. Mais comment dire, je n'aurais pas pu découvrir cela si je n'avais pas été préparé par mon éducation familiale et sensibilisé à la question sociale sans généralité. Je n'aurais pas vu. Si vous voulez, ayant été sensibilisé aux problèmes d'inégalité sociale, pas toute une histoire familiale que le syndicalisme chrétien, le christianisme social, etc. J'ai été rendu peut-être plus sensible par l'éducation familiale aux problèmes d'inégalité sociale. Et vers 17-18 ans, en faculté, je me suis aperçu que derrière le problème social, il y avait autre chose. Et ça a été le passage du social au politique. Donc ça a été décisif parce que ça a été pour moi l'occasion d'entrer en contact avec des Algériens que je n'avais pas pu rencontrer lorsque j'étais chez les Pères Jésuites, et de discuter avec eux. Mais pour discuter avec eux, il fallait avoir une interrogation, parce que pour la majorité de mes condisciples européens, il n'y avait plus de raison de discuter avec les Arabes. Est-ce qu'ils étaient nombreux à l'université ? Ben, dans ma première année de médecine, sur 150, il y avait moins de 15 Algériens. C'était en quelle année ? 50. Cela faisait partie des mouvements nationalistes. Pas tous, certainement. Vous pouviez discuter quand même de ces problèmes politiques avec eux ? Ben, pas quand même, oui, parce que j'en avais envie, je posais des questions. Oui. Encore une fois, j'étais un mutin anormal. Oui. Je transgressais l'apartheid. Et comme les gens qui transgressent, on se rapproche davantage des gens auprès de qui on s'intéresse et à mesure que petit à petit on se dissocie de la horde primitive. Oui, mais justement, comment ça se passait pour vous à ce moment-là par rapport naturellement, à votre... naturellement. C'est pas si évident quand on transgresse. C'est oui, pas si non, naturel. Mais parce que c'est pas, on ne dit pas un jour, voilà, à partir de demain, je transgresse. Non, bien sûr. Vous avez des gens avec qui vous parlez, qui sont des étudiants comme vous. Vous avez des copains, des copines européennes, donc ça intéresse plus ou moins des degrés divers. Vous êtes à cheval entre plusieurs groupes, quoi. Bon, il est évident qu'il y a des groupes européens qui sont hostiles à tout ce remue-ménage et ce va-et-vient. Et puis il y a d'autres qui s'intéressent à des degrés divers. Donc à ce moment-là, il y a une vitesse de mutation, c'est comme un champ d'électrophorèse, quoi. Il y a des molécules qui vont plus ou moins vite. Donc je ne peux pas vous dire ça, c'est tel ou tel moment. J'ai pris conscience à ce moment-là que les inégalités sociales qui me scandalisaient étaient liées au statut colonial. Et je raconte ça dans le texte de 54 sur le scandale du double collège, enfin du racisme organisé par le double collège, du trucage électoral, tout ça, ça se passait dans les années 50, Neiglen, etc. Donc si vous voulez, en même temps, il y avait la guerre d'Indochine, qui était la première guerre d'Indochine, qui était quand même un gros problème pour notre génération. Puis le début de ce qui se passait en Tunisie au Maroc. La révolution égyptienne, les officiers libres, c'était important. Le Guatemala, l'United States, c'était important. Donc on était dans tout ce mouvement des années 50. On voyait ce qui se passait ailleurs. Et puis, autour de nous, dans les étudiants algériens suivaient les choses de très près. L'indépendance de l'Inde, nous, on suivait un peu moins. Mais quand les choses ont commencé à évoluer dans le Maroc et en Tunisie, par exemple, des choses qui ont beaucoup marqué les gens de ma génération quand on avait 22 ans, c'est de voir l'Afrique du Nord en marche, Charles-André Julien. Parce qu'on s'apercevait que tout d'un coup, il y avait quelque chose qui se passait. Et qu'on voyait très bien que ça allait se passer en Algérie, ne serait-ce que par les contacts qu'on avait avec les Algériens, on s'apercevait que des choses bougeaient. Mais en faisant cette prise de conscience, il est évident que ça, c'était un... Alors que c'était le moment où l'établissement colonial triomphait et s'étalait, on était des mauvaises consciences, enfin, on allait dans le mauvais sens. On avait de mauvaises fréquentations. On jouait dans la rue. C'était ces inégalités sociales, vous, vous les avez très bien perçues. Alors, pour vous, 1954, ça n'a pas été une surprise, je suppose. Ah, pas du tout, non. Non, c'était... À ce moment-là, il n'y a pas eu le choix à faire. Qu'est-ce que vous voulez dire? Ben, beaucoup de gens me disent comment vous avez choisi en 54, c'était courageux et pas de courage. C'est une évidence. À partir du moment où vous discutez avec des gens, avec qui vous êtes en concordance de vue et d'analyse sur l'évolution du monde en général, du monde colonial en particulier. À partir du moment où cette situation touche le pays dans lequel vous vivez, dont vous vous réclamez, il n'y a pas de faire de choix. Il y a deux camps. Vous êtes dans un camp ou dans l'autre. Bon, il y a ceux qui ont voulu rester dans les tribunes. Ça, c'est leur affaire. Mais... Quand on a... C'est une belle phrase. Quand on a ouvert les yeux, on n'est plus dormir. C'est pas possible de dire à partir de là, ça ne concerne plus. Alors il se trouve que certains étudiants de ma génération, qui étaient conscients, qui avaient ouvert les yeux, ont préféré fuir le champ du débat, en disant ce sera trop horrible, nous, on dégage. Bon, mais c'était pas ni mon tempérament, ni mon envie, quoi. Certains disaient ce sera trop horrible, donc les étudiants autour de vous et vous-même, vous aviez conscience que c'était une révolution qui était en marche. Révolution, c'est le grand mot. C'était une énorme mutation sociale, claire, qui était rendue obligatoire par l'évolution du monde, par l'évolution de la situation, et il fallait que la politique change de sens et que la jeunesse gagne l'indépendance. Et que l'indépendance était la condition d'une, je ne dis pas de justice sociale, mais enfin d'une amélioration des conditions de vie de la population et l'espérance d'engager un combat social qui ait un sens et qui ne soit pas biaisé par les considérations racistes et coloniales. Vous le souhaitiez, mais à quel moment avez-vous pensé que l'Algérie serait un jour indépendante? Non, bien avant 1954. C'est évident pour vous. Oui, c'est évident. C'est pas évident pour tout le monde. Oui, d'accord, parce que l'Algérie n'est pas la France, quoi. Enfin, c'était... Justement, j'allais vous poser cette question. Est-ce que vous avez jamais eu le sentiment, dans votre entourage, que l'Algérie, c'était la France? Non, c'est jamais. À quoi vous voyez la différence? Parce que les Algériens étaient des Algériens. Enfin, ça, si vous voulez, avant même d'avoir fait la prise de conscience politique, il suffit de voir autour de soi que l'Algérie n'est pas la France. Que déjà en 1947, il y avait le statut de l'Algérie qui montrait que ce n'était pas un département français. Si c'était la France, il n'y avait pas besoin de faire un statut à part. Il fallait être assez politisé pour voir ça, pour dire ça. Je vous dis ça parce que pas mal de personnes que j'ai interrogées pensaient que l'Algérie, c'était la France. Non, mais ça, c'est la propagande, après. Mais dans les faits, ils savaient très bien que ce n'était pas la France. En France, il n'y avait pas de collège. Ils savaient très bien qu'ils votaient avec le collège. Le vote aux élections municipales, il n'y a pas de collège en France. Je ne sais pas si certaines personnes en prenaient conscience, parce que pour elles, c'était évident que l'Algérie, c'était la France. Donc, non, il ne faut pas qu'on vous raconte des âneries. Quand ils allaient au bureau de vote, ils savaient très bien qu'il y avait un bureau de vote pour eux et un bureau de vote pour les autres. Je ne sais pas si vous le voyez. Mais il fallait bien qu'ils s'orientent dans les couloirs. Vous devez trouver ça normal. Vous devez penser que c'est normal, puisque ici, c'était la France. Que... Eh bien non, mais justement, en France, il n'y a pas de choses comme ça. Il n'y avait pas de couloirs, il n'y avait pas... Électeurs du premier collège et du deuxième collège, ça n'existait pas. Ben, ça me paraît évident, mais c'est curieux que des personnes... Peut-être qu'ils ne savaient pas comment se déroulent les élections. Mais c'est possible, ils ne savaient pas, je ne sais pas. Mais enfin, bon... Non, je crois que... Enfin, moi, je... Et peut-être parce qu'ils vivaient entre Français. Je me porte en faux contre ce sentiment rapporté maintenant, ce que la mémoire efface. Ils savaient très bien qu'il y avait les Arabes et les Européens, ça ils le savaient très bien. Ne serait-ce qu'à l'issue de la guerre, on savait très bien, dans les yeux des Européens, que ces Arabes avaient beaucoup d'enfants, qu'ils avaient des cartes d'alimentation, qu'ils faisaient du marché noir de sucre à cause des cartes d'alimentation. Donc pour se procurer des bons de sucre, ils savaient très bien qu'il y avait les autres qui existaient. Les autres en tant que masse menaçante. Non, il ne faut pas raconter l'histoire. Donc de dire, oh non, c'était très bien, c'était la France. Ah ouais. Et Bon, donc vous, vous saviez, je ne pose pas la question, qu'il existait une revendication nationaliste. Et est-ce que vous pouvez m'en parler? Est-ce que vous pouvez me parler des mouvements nationalistes algériens dont, dont vous aviez connaissance en 54, ou même avant 54? Oui, les mouvements nationalistes algériens, il y en avait deux qui étaient des mouvements politiques. Qui était le mouvement modéré de Ferhat Abbas, qui était l'Union du Manifeste Algérien, qui touchait des villes, un certain nombre d'intellectuels et des instituteurs, ce milieu-là. Et puis un mouvement plus radical, qui était le mouvement, le MTLD, issu du BBA, qui avait été dissous. Par ailleurs, il y avait les oulémas qui occupaient surtout un champ culturel, mais qui étaient très modérés sur le plan politique, bien qu'ils veulent faire croire aujourd'hui qu'ils ont été les proto-patriotes. Et puis il y avait le Parti communiste algérien qui avait une attitude courageuse sur certains aspects, mais des fois qui était freinante sur d'autres aspects, qui était, se défiait assez du mouvement national populiste. Et certains expliquent ses réticences par la présence d'Européens parmi les communistes algériens. Moi, je peux pas parler de quelque chose au sein duquel je ne me trouvais pas. Donc je crois qu'il vaut mieux interviewer des gens qui ont vécu à l'intérieur cette histoire du Parti communiste algérien avant la guerre. Mais je connaissais très bien les gens qui étaient là, et en tant que responsable du mouvement de jeunesse chrétien, j'avais pu rentrer en contact avec les différents responsables de mouvements de jeunes, d'autres mouvements de jeunesse algérien. Donc vous lirez ça dans le texte que j'ai fait. Bien sûr, je peux vous en parler. On connaissait les positions des uns et des autres. Et il y avait une plateforme sur laquelle nous étions tout à fait d'accord, c'est qu'il fallait bâtir une Algérie qui soit différente de celle de nos parents et qui soit indépendante, même si en tant que responsable de mouvements de jeunesse confessionnelle, on ne pouvait pas prendre option sur le plan politique, à cause de la base que nous étions censés représenter. Enfin, d'accord. Et comment est-ce que ça s'est passé pour vous, si vous voulez, ou, et surtout autour de vous, parmi les Européens qui vous entouraient, au moment de l'insurrection de 54. Les Européens qui m'entouraient, qu'est-ce que vous voulez? Ceux qui vivaient dans votre entourage, ceux qui, avec qui vous étiez confrontés. Je vivais avec vos parents. Ah, qu'avec vos parents, et bon, donc vos amis, vous étiez déjà à l'université, oui, c'est dans le cadre. Oui, j'étais à l'université déjà, je présentais le concours d'internat, oui. Que pensaient les étudiants de l'université? Lesquels? Pas lesquels, ceux à qui vous pouviez parler, je ne sais pas, mais je pense qu'il y avait plusieurs tendances. Ben, les Algériens, ils pensaient que c'était une bonne chose qui commençait. Moi-même, je me demandais si je n'allais pas être arrêté avant de finir le concours d'internat. Parce que j'ai eu un certain nombre de gens que je fréquentais qui étaient des responsables de partis politiques qui ont plongé dans la clandestinité à ce moment-là. Donc, les Européens pensaient que c'était une histoire d'insurrection, ils ont adopté toute l'attitude officielle française à l'époque, quoi. Algérie, c'est la France, Mitterrand, etc. Et justement, les Européens pensaient que c'était une insurrection, et est-ce qu'ils mettaient des raisons derrière cette insurrection? Non, c'était l'Égypte. Voilà. Oui, non, c'est clair, c'est Guy Mollet l'avait dit, enfin c'est ça, Nasser, Mein Kampf, etc., c'est toujours le même truc, comme l'Irak. C'est ça que vous entendiez autour de vous? Mais ça s'est allé dans tous les journaux. Mes parents ne le pensaient pas, mais enfin, c'est ce qui s'est allé dans la presse. Mmh. Les discours de Mitterrand, les discours de Jacques Chevalier, de toute façon, c'est Félaga Tunisie qui vient d'envahir l'Algérie, le trafic d'armes, etc. Jacques Chevalier aussi? Bien sûr. Il était quand même secrétaire d'État à la guerre de nationale d'espace à l'époque, quand Mitterrand était ministre intérieur. J'ai lu diverses choses sur Jacques Chevalier. Il faudrait que je le revoie maintenant. Donc, c'est un personnage intéressant. Hein, ça, on peut en parler à part. C'est autre chose, puisque vous avez juste à voir sa fille, il faut vous dire. Oui, j'ai vu sa fille. Très sympathique. Très, très, très sympathique. Oui, je pensais pas que Chevalier avait ce point de vue, si vous voulez pouvoir en parler. Et est-ce que vous aviez une employée de maison musulmane? Pardon? Est-ce que vous aviez une employée de maison musulmane? Oui, qui travaillait avec. Et est-ce qu'à partir de 54, vos rapports ont changé avec elle? Enfin, pas les vôtres individuellement, mais dans votre famille. Elle était de la famille. Oui. Et est-ce que vous avez jamais pensé partir d'Algérie? Bon, je ne vous pose pas la question à vous, si vous aviez connaissance des appels du FLN en direction des Européens. Oui, et je ne vous pose pas la question des différents mouvements nationalistes. Oui. Et je vous pose la question, bien que je sache que vous étiez au courant, parlez-moi de l'impact dans l'opinion des Européens qui étaient arrêtés ou guillotinés pour leur aide au FLN. Ah, mais c'était beaucoup plus tard, ça. C'était beaucoup plus tard. En 54-55, quand les choses commençaient, il fallait être très informé pour savoir qu'il y avait des Européens qui se mouillaient. À ce moment-là, la chose, les éléments les plus avancés parmi les Européens, c'était ce qu'on appelait les libéraux, entre guillemets. Pas les libéraux des chevaliers, oui, mais les libéraux qui étaient nos ennemis. Parlez-moi des libéraux. Alors, les libéraux, c'était des gens qui étaient très ambigus. C'est-à-dire que il y avait deux choses parmi eux. Il y avait les pieds noirs modérés disant quand même il faudrait aménager les choses. Vous retrouviez là-dedans certains socialistes, certains chrétiens sociaux disant il faut faire quelque chose sur le plan social. Sans aller jusqu'à l'indépendance, quand même, il faut envisager une modification du statut. Et puis, vous aviez des intellectuels français, fonctionnaires français ici, style Ageron, historien par exemple, disant les lois de la République doivent s'appliquer. Vous voyez, donc il y avait ce double mouvement. Le souci d'égalité, de justice. Oui, mais sans que l'égalité aille jusqu'à l'indépendance. C'était un gros mot, il ne fallait pas dire des choses pareilles. Donc il y a eu cette ambiguïté qui était ce qui... ils avaient signé un truc, ce mouvement pour la démocratie en Algérie. Dans cette mouvance libérale qui regroupait quelques socialistes algérois et quelques intellectuels, vous avez eu les gens qui ont travaillé dans le comité pour la trêve civile de Camus, qui pour eux était une franche rigolade. Parce qu'au moment où l'armée française était en train de bombarder au napalm des doigts entiers et de bombarder des villages, demander une trêve pour les civils, c'était comique. Enfin, c'était, le problème n'était plus là. Refuser de voir que c'était une guerre et qu'il fallait parler du problème de fond, malgré ça, les pauvres libéraux se sont fait assassiner ou se sont fait massacrer par les policiers qui commençaient à mettre en place l'OS et dont le préfet Akhari, l'ancien préfet de Galma, c'est lui qui avait mené la manifestation de pieds noirs excités contre Camus qui faisait sa conférence sur les trêves civiles. Donc moi je ne vais pas jeter la pierre à Camus maintenant, mais enfin c'est pour dire que nous étions sur la ligne radicale, il faut l'indépendance. Donc toutes ces niaiseries intermédiaires ne servent à rien. Cela étant, j'ai participé à des niaiseries intermédiaires en surface en faisant ce qu'on avait appelé les amitiés algériennes, qui était une façon pour moi, en liaison avec le MTLD, de reconstituer les réseaux de soutien aux victimes de la répression, c'est-à-dire pour apporter de l'argent aux familles des détenus, des choses comme ça. Mais ça, c'était l'activité de surface. Et par ailleurs, je faisais de l'action clandestine sur les soins blessés, le transport de gens, etc. Enfin, ça, c'est la couverture. En fait, j'étais par ailleurs interne à l'hôpital, je faisais beaucoup de médecins, j'étais jeune marié, et puis voilà. C'était encore une autre frange de ces libéraux. Est-ce qu'il y avait encore... Comment, quelle frange de libéraux? Vous me disiez ceux qui avaient un esprit de justice, bon, qui n'allaient pas jusqu'à l'indépendance, oui, et puis ceux qui pensaient qu'il fallait l'indépendance. Oui, mais ce n'était pas les libéraux. On ne se définissait pas comme libéraux. Si vous aviez traité de libéraux, on serait massacrés entre nous. Hein. Comment est-ce que vous vous définissez? On n'est pas les libéraux, on n'est pas libéral vis-à-vis d'une question coloniale. On est radical. C'est pas... Non, on ne peut pas... Il n'y a pas d'aménagement. Il n'y a pas d'aménagement à l'état intégriste. Dans une situation coloniale, on est pour ou on est contre. Le libéralisme ne veut rien dire. Le libéralisme en milieu colonial. Je ne parle pas du libéralisme économique, hein, mais de... La confusion sur le libéralisme, c'est que ça joue sur la notion de libéralisme économique et de libéralisme politique. Mais le libéralisme en matière coloniale, c'était simplement des chèvres-choux, enfin un truc un petit peu aménagé. Mais des boutons vestiaires. Mais cessez-le-feu, puis élection. Or, précisément, bon, enfin, c'était toute la dialectique de la lutte de libération. Je vais vous faire bondir. Allez-y. J'ai vu votre nom parmi les libéraux. Oui, mais parce que les gens disent conneries, je ne peux rien, je ne peux pas faire de démenti chaque fois. Oui, bon. je comprends maintenant pourquoi j'ai lu certaines critiques concernant les libéraux. Notamment, j'ai lu un livre de Pierre Dora qui est très critique par rapport aux libéraux. Oui, bien sûr. Donc, bon, moi je disais, si M. Chollet fait partie des libéraux, bon, ça c'est pour moi, hein, votre nom apparaît, mais il ne sera pas écrit. Mon père était classé dans les libéraux parce qu'il était ami de Jacques Chevalier, mais il était pauvre. Est-ce que c'était Alexandre? Oui, j'ai souvent le nom d'Alexandre. Oui, c'est ça. Oui, d'accord. Et donc, vous avez été arrêté à un moment. Oui, ben, alors à ce moment-là que quand les parachutistes ont commencé à travailler à Alger, ben, il y avait eu déjà l'arrestation de Raymond Péchard au Maquis dans les 56. Donc ils se sont aperçus qu'il y avait des Européens qui travaillaient avec le FLN. Donc ils ont dit c'est des communistes. Donc Yveton, c'est là qu'il y a eu les arrestations à Alger. Et au moment de la bataille d'Alger, Lacoste Furieux a appris qu'il y avait des chrétiens qui travaillaient pour. Donc là, il est rentré en fureur, il a dit, je ne vais pas me faire doubler sur la gauche par des connards de gauche. C'était un langage très lacostien. Oh ben, c'était un langage très châtié, j'ai vu Bassus. Alors, bon, ben, j'ai été arrêté à ce moment-là. Et puis, bon, ils n'ont rien trouvé de précis. Ils avaient eu des gens qui, sous la torture, avaient dit des choses. Moi, ils ne m'ont pas torturé, parce que par chance. Et puis, enfin, ils m'ont interrogé trois nuits sur une chaise, enfin, c'était pas grave. Et ils n'ont rien trouvé d'autre que dans mon carnet d'adresse, la correspondance que j'avais avec l'action de Tunis. Donc j'étais poursuivi pour atteinte à la sûreté de l'extérieur de l'État, association de malfaiteurs, article 80, je ne sais pas, j'ai vu d'autres trucs. Mais la matière, c'est que j'avais envoyé des articles à la faction de Tunis, et puis ma défense était de dire que j'ai découpé le coup d'Alger, le journal d'Alger, je transmettais ça. Les articles n'étant pas signés, je ne pouvais pas prouver que c'était moi qui les avais. Alors d'autres avaient dit que j'avais vu un tel, etc., mais comme ils sont rétractés à l'instruction que j'ai rien dit, ils ont été obligés de me mettre en liberté provisoire. C'était là où ça devenait dangereux, quand je suis sorti après 2 mois de prison. J'ai été expulsé rapidement, c'était au moment de la bataille d'Alger, c'est au moment où il y avait Tétjène et Chevalier, c'est à ce moment-là que Chevalier m'a protégé, dans la mesure où, étant, j'ai fait l'objet d'un arrêté d'expulsion immédiat et j'ai été gardé par des policiers la nuit pour que les parachutistes ne m'enlèvent pas, et mis dans l'avion sur Marseille. Et là, j'ai passé 6 mois en France, d'abord en résidence surveillée, en résidence pointée, et après je suis revenu entre 2 avions protégés pour passer en appel parce qu'ils avaient fait appel, ils n'avaient rien trouvé, donc pour que l'affaire ne suive pas ils avaient fait un appel. Enfin, donc je suis revenu entre 2 avions, il y a un jugement temporaire qui était remis après 3 mois. Ce qui m'a permis de passer ma thèse pendant le dernier trimestre de 57 à Paris, puis après de filer sur Tunis. Bon, là, ils m'ont suivi, il y avait des éléments de la police française qui existait en Tunisie qui savaient où j'étais, puisqu'ils venaient porter des coups sur mes parents en disant ce qu'il était à Sousse dimanche dernier avec sa femme et son fils. Enfin, ils ne pouvaient pas me reprendre. Vous êtes resté à Tunis combien de temps? Et puis, jusqu'en juillet 70. Et vous pouvez parler de cette période et comment vous avez participé à l'élaboration de l'Algérie? Ah ben à ce moment-là, en 1957, quand je suis parti quand même après avoir pris contact avec l'organisation du FLN. J'avais des, en raison de liens quasi familiaux avec l'ancien responsable de la Fédération de France qui descendait à Guangxi, qui était qui allait devenir mon beau-frère. J'ai été visité à la santé, Belvela, Itamet, Koukiaf, l'équipe qui était là à la santé. Et on avait fait un tour d'horizon et il m'avait dit, bon, de toute façon, tel que tu es, tu peux pas rentrer à Alger, tu peux servir à rien en France. Le plus simple, c'est que tu rejoignes les gens d'organisation à Tunis. Quoi. Et moi, ça m'allait bien, puisque j'avais là-bas tous les gens que je connaissais d'Alger, en particulier Aban Ramdan, avec qui j'avais travaillé ici, Krim. Donc, à ce moment-là, ma femme est partie avec le petit pour faire la rentrée universitaire à Tunis. Elle était universitaire, elle a obtenu un poste à la faculté de l'Est de Tunis. Et moi, dès que j'ai passé ma thèse de médecine, je suis parti, avant que, sans demander d'autorisation. Je suis parti, j'ai passé ma thèse le 18 décembre, je suis parti le 21 à Tunis. Alors à ce moment-là, dès que je suis arrivé à Tunis, il n'y avait pas le GPR encore, puisque je suis arrivé en septembre 58. J'ai été pris en charge par l'organisation du FLN en Tunisie, et d'une part affecté pour mon gagne-pain dans les hôpitaux de Tunis, avec pour charge de m'occuper des Tunisiens malades et d'avoir la possibilité d'accueillir des malades algériens dans mon service, de donner un coup de main à l'organisation sanitaire aux frontières. Et par ailleurs, je faisais plus que du temps plein à l'époque, de travailler au service d'information du GPRA, service de presse et d'information, où je retrouvais Aban Ramdan comme responsable, puisqu'après la réunion du CCE de 1957, il avait été chargé de la relance du Moudjahid. Et donc je me suis retrouvé dans la commission d'information, de presse et d'information du Moudjahid, qui était présidée à l'époque par Ahmed Mangel, Ebrahim Mesoudi, et dans la section francophone dans laquelle je retrouvais Reda Malek, actuel UHCE, Franz Fanon. On a travaillé donc ensemble, on se voyait tous les jours forcément, et on élaborait les textes du FLN en langue française. On se réunissait évidemment une fois par semaine avec ceux qui s'exprimaient en langue arabe. Et donc après, quand ce service d'information s'est transformé en ministère d'information, on a continué la même chose. Et à ce moment-là, en plus, j'ai pris la responsabilité, au moment où Yazid est devenu ministre d'information, j'ai pris la responsabilité du centre de documentation du FLN, du ministère de l'information. Et dans ce centre de documentation, nous ramassions tout ce qui paraissait sur l'Algérie. Alors, d'une part, grâce au contact que j'avais ici, j'avais gardé un abonnement à l'Écho d'Alger, journal, enfin toute la presse ici. Je recevais tout ce qui paraissait ici, tout ce qui paraissait en France, et puis on ramassait tout ce qui tournait dans les boutiques de Tunis. Et ça faisait quand même une bonne base de documentation pour rédiger des choses, et en même temps pour préparer des dossiers de négociation, puisqu'on savait très bien qu'à la fin de toute guerre, il y a une négociation, donc il y a des grands problèmes qui demeurent, donc on a suivi tout au long de la guerre. C'est comme ça qu'on a eu tous les écrits du club Jean Moulin. Je ne sais pas si vous avez entendu parler, le club Jean Moulin, c'était bon. Où Rocard avait travaillé. Rocard avait fait des rapports sur les centres de regroupement, sur la priorité européenne, autant il s'appelait Servet. Il a dit des choses comme ça. Donc tout ce qui paraissait à Paris, on l'avait. Et donc, si vous voulez, on savait ce que les négociateurs français auraient dans leur dossier avant de partir à la négociation. Donc on ramassait tout ça. Si bien que quand la négociation a commencé, le groupe que j'avais ont été associés aux différents dossiers qui ont été traités, moi-même m'occupant plus particulièrement de la question de la minorité. Mais j'ai connu le pétrole et le gaz, j'ai connu beaucoup de choses. Voilà, c'est parce que, en dehors des questions de santé, bon, ça c'était la banalité de ce sujet. Oui, je suis en train de me dire que vous deviez avoir effectivement des journées très chargées. Oui, ça c'est bien. Est-ce que vous avez, enfin, ça c'est pour la petite histoire pour moi, est-ce que vous avez connu à Tunis Jean Berthet. Jean? Jean Berthet. Berthet, un grand. Berthet, c'était un déserteur. Non, c'est pas un déserteur. Il était dans le réseau Curiel. Dans le réseau Curiel, oui, j'ai dû le croiser, et... oui. J'avais connu Curiel et sa femme, oui. Il Il avait été expulsé aussi, il avait de la Tunis, et lui aussi, il avait la nationalité algérienne d'office, mais il est venu qu'en 62 ici en Algérie. Oui, oui, non, mais Berthe faisait partie des réseaux de soutien qui étaient venus, mais ils n'étaient pas mêlés directement à l'organisation comme je l'étais. Non, mais enfin bon, c'est quelqu'un qui... Oui, ça faisait partie des gens qui étaient à Tunis, donc qui oscillaient, il y a selon les milieux sociaux, entre les Russes blancs et les Républicains espagnols. Dans le milieu des migrations de Tunis, on distinguait les gens. C'est ça, il y avait ceux qui avaient... On était tous de toute façon des émigrés par rapport aux Tunisiens, et dans cette émigration, il y avait à la fois les Russes blancs et les Républicains espagnols. On était plutôt du côté des Républicains. Jean Berthe, il est resté longtemps à Tunis. Alors, dans ces réseaux de soutien, il y en a qui sont restés après, qui ne sont pas venus tout de suite en Algérie. Il y en a qui ont pris des postes dans l'enseignement en Tunisie. Il est arrivé en 62 avec sa femme et il a travaillé au gouvernement. Et bon, enfin, c'est un ami à nous, c'est pour ça que je vous demande. Mais lui, il faisait partie de ce qu'on appelait ici, après l'indépendance, les pieds rouges. Les pieds rouges, oui. Attendez, moi j'ai un pied vert. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est la première fois que j'ai entendu cette expression « pied vert », c'est dans la thèse de Bruno Etienne. Et oui, non, mais ça, c'est un terme dérisoire, si vous voulez. Après les pieds noirs, les gens voulaient absolument coller des étiquettes journalistiques aux gens. Donc, il y a eu tout ce groupe de gens qui étaient venus entre 62 et 65, et qui en 65, au moment de la prise de pouvoir par Boumediene, a dit « c'est horrible, un putsch militaire, un coup d'État, on ne peut pas avoir ça », alors que Ben Bella, c'était le tellement beau leader charismatique, tiers-mondi, socialiste et tout, que on rigolait parce que je connaissais un peu le dessous des cartes, et on savait que Ben Bella n'était pas plus socialiste que moi, je suis pape, et encore, j'aurais plus de chance d'être pape que socialiste. Enfin bref. Alors, ils sont partis parce que c'était pas possible de vivre sous une dictature militaire. Quoi. C'est leur conviction. Exactement, tous les gens comme tous les gens qui ont été en Tanzanie, et puis quand en Tanzanie, la révolution tanzanienne a déçu leurs espoirs, ils sont dégringolés au Zimbabwe. Puis là aussi, c'était décevant, alors ils sont repartis chez eux. Comme l'Afrique était plus proche que Cuba, à ce moment-là, quoi, il y avait quelques migrations idéologiques, intellectuelles, le mal dans leur peau, puis, bon, qui étaient des gens sympathiques, hein, sur le plan individuel, et qui ont rendu certainement des grands services à l'époque, qui se sont beaucoup dévoués, mais comment dire, qui étaient déracinés, qui étaient fondamentalement déracinés. Donc, ils n'ont pas pu s'enraciner ici, c'est clair, ils n'avaient pas de... Ils avaient combattu pour l'indépendance de l'Algérie avec tout ce qu'ils avaient cru comprendre du mouvement algérien. Et puis quand la réalité ne correspondait plus à l'image qui s'était faite, ils étaient déçus. Vous avez une très bonne illustration de ça dans le bouquin de Maskino sur l'Algérie des illusions. L'Algérie des illusions. En fait, c'était les illusions de Maurice Maskino. Oui, bien sûr. Et donc, oui, ça c'était des pieds rouges, et puis alors ces pieds verts, qu'est-ce que c'est? Alors les pieds verts, ben, ça doit être ce que Bruno Etienne a voulu, comme il a voulu nous baptiser, enfin on ne s'est jamais distingué tel que, il n'y a pas une amicale des pieds verts. Hein. Ça c'est la première fois que je vois ça. Deux sœurs et un frère, le frère est mort en 53. La famille de mon oncle, elle est repartie, ses enfants sont restés, deux de ses enfants sont restés ici temporairement, ses deux filles sont partis, des petites. Dans mes deux autres tantes, il y en avait un qui était libraire et l'autre qui était directeur d'école Saint-Pamas-Picrus. Alors le libraire est resté ici 3 ou 4 ans comme commerçant. Et puis après, il est allé relancer une affaire du côté de Perpignan. Il est parti, parapétrier. Lui était assez libéral. Ils n'ont pas pris la nationalité, mais ils ont des enfants qui ont pris la nationalité. Et puis, ils sont mariés, le fils est marié en Algérie. Et puis, côté des enseignants, c'est typique de l'évolution des enseignants. Ils étaient plutôt libéraux. Ils avaient des antécédents parce qu'ils avaient été gaullistes pendant la guerre, alors que la majorité des pieds noirs étaient pétinistes, donc c'était déjà un peu des gens un peu atypiques. Et ils ont fait fonctionner leur école jusque pratiquement à la retraite, et puis après ils ont été prendre leur retraite à Aix-en-Provence. Et leurs enfants sont restés ici comme coopérants enseignants. Alors du côté de mes frères et sœurs, c'est plus complexe parce que tout le monde est resté ici. Mes parents sont, mon père est mort en 63, ma mère est morte en 86, donc tout le monde est resté ici. Mais dans les frères et sœurs, j'ai un frère et deux sœurs qui sont partis en France entre 67 et 73. Et puis j'ai un frère ici qui travaille comme fonctionnaire au ministère de l'Agriculture. Et j'ai deux sœurs ici qui sont mariées à des Algériens, l'une qui est veuve de Manchy et l'autre qui est prof à la fac de l'Agriculture. Et quant à mes enfants, y en a une qui s'est mariée à un Français qui est en France, il y en a un qui s'est marié à un Algérien et qui est ici, et la troisième s'est mariée à un Algérien qui est divorcée, et elle est actuellement en troisième cycle à Montpellier. Donc je ne sais pas ce qu'elle fera après sa vie. Notre problème avec nos enfants, c'était qu'on n'a pas eu de problème, on a voulu leur laisser les options ouvertes. Donc ils choisissent ce qu'ils veulent faire. Je suis frappée du fait que vous dites ceux qui ont pris la nationalité, vous ne dites pas la nationalité algérienne. Oui, c'est parce que c'est du langage courant. Quand même. Non, parce que ça paraît tellement évident pour vous, peut-être aussi. Oui, oui, bien sûr. Bah oui, c'est parce que c'est le processus d'acquisition de nationalité. Moi. Pourquoi est-ce qu'il comment il aurait fallu dire il ne faut pas dire quelque chose, simplement. Enfin, pour vous, c'est une telle évidence que vous ne dites pas algérienne derrière la nationalité. Pour vous, vous avez la nationalité du pays où vous vivez, le point final. Oui. Ouais. C'est bien, je remarque ça. C'est tout. Je me laisse. C'est tout. À moins que vous n'ayez autre chose. Ah non, je ne sais pas, mais votre questionnaire était plus long au début. Vous étiez remonté au père de Foucault, à je ne sais pas quoi, au début, dans le premier questionnaire, vous aviez des histoires farfelues. Là. Ah non. Non, vous n'aviez pas des références littéraires ou des trucs comme ça? Oh non, je crois pas. Ah, non, ça doit être dans le premier projet. C'est le. Je crois pas. Ah non, non, c'est pas vous. Père de Foucault, c'est méchant. Je crois que vous confondez avec. Il y a quelqu'un d'autre qui m'a fait un test projectif là, avec des questions curieuses. Quels sont les grands hommes pour vous, des trucs comme ça? Moi, c'est ce questionnaire. J'ai simplement rajouté quelques questions que vous m'aviez suggérées. C'était bien d'ailleurs. Moi, j'aimerais poser une question. Une utilité pour ton travail encore que. Si je viens de comprendre, enfin, votre père était militant syndicaliste, donc je pense au syndicat chrétien Wagner, CFTC. Oui. Justement, alors quelle était l'implantation de la CFTC? C'est-à-dire, est-ce que, du fait de son appellation, est-ce qu'elle recrutait parmi les travailleurs algériens? Moi j'aimerais bien entendre parler aussi des anarchistes. Une chose que vous pouvez trouver là-dedans, c'est l'histoire de ma mère. C'est-à-dire que quand ma mère est morte en 86, on s'est aperçu que comme elle était née. En 1905, à Skilda, ça pourrait être intéressant pour ses enfants et petits-enfants, et comme elle avait chevauché une période formidable, de raconter l'histoire. Et donc on a fait un travail de deuil, on a fait ensemble avec des frères et sœurs, et avec la façon dont tous les enfants et petits-enfants l'avaient perçu. Comme mes parents étaient bons catholiques sociaux qui ont procréé sur une longue période, de 1930 à 1947, donc forcément, moi j'étais déjà un adulte alors que les frères et sœurs étaient bégayants. Donc c'était assez intéressant, et de voir comment nos enfants ont perçu ça, c'était assez intéressant. Alors du coup, grosso modo, si vous voulez, mes parents ont une caractéristique commune, c'était classe moyenne, orphelins de père tous les deux, pris en main par les curés, comme classe moyenne potentiellement montante, venant militants chrétiens sociaux, et à l'âge de 20 ans, pratiquement, mon père se retrouve président fondateur des syndicats chrétiens ici, dans les années 20-25. Et de là, eux, toute leur vie de militants, c'était, bon, le syndicat chrétien à l'époque, c'était la CFTC. Pas la CFTC maintenue, CFTC première manière. Donc dans la mouvance des mouvements d'action catholique première manière, avant l'action, je ne sais pas si vous connaissez ce milieu-là, avant l'action catholique spécialisée de la JOC, de la GEC, qui pour lui, ça va être une innovation. Il était de la CJF, première appellation, l'étape d'évolution de l'État. Donc il a baigné dans ce milieu catholique social, pour qui il y avait une claire distinction entre le social et le politique. Le prolongement politique de ça, ça a été le MRP. Donc lui, il avait des amitiés, parce que il était donc, en tant que responsable des mouvements catholiques ici, était correspondait avec des gens en France. Donc Georges Bidault, il l'a connu, était jeune, et puis c'est des gens qu'il a connus comme action catholique. Que moi, comme gosse, j'ai vu arriver ici dans les fourgons de Gaulle. C'était des messieurs très dignes avec des chapeaux et des par-dessus comme Mitterrand, enfin, qui était toute une génération quoi, qui allait à la messe ensemble, tout ça, qui prenait des petits déjeuners sérieux et qui préparait l'avenir de la France à partir du débarquement américain ici. Donc c'est des gens que j'ai vus. Pour lui, Maurice Schumann, enfin tous ces pères fondateurs de la démocratie chrétienne, c'était des gens qu'il respectait parce que lui, il était militant social, mais enfin, c'était des gens qui et que, quoi, qui. Alors, ça a été encore un des problèmes juvéniles, d'opposition juvénile avec mes parents, parce que moi, immédiatement, j'ai pris position contre les guerres coloniales, donc, Indochine, l'amiral Thierry d'Argentlieu, qui était quand même occupé, ces guerres coloniales déclenchées conjointement par les MRP et les socialistes. Les MRP, je ne pouvais pas. C'est comme quand on me dit libéral, quoi. Tu vois où je... C'est pas possible. Bon, voilà quoi. C'est, grosso modo, ils étaient dans cette mouvance. Et je crois quand même qu'il faut rendre hommage à l'ouverture d'esprit de cette génération. C'est clair que ma mère a très vite compris qu'avec mes sœurs, on évoluait dans un sens qui n'était pas prévu. Et que c'est clair qu'au début, il suivait les analyses de Jacques Chevalier, on va mater la rébellion, l'Algérie c'est la France, pour l'égalité, etc. Mais en même temps, très rapidement, il s'est aperçu que ça ne collait pas, que lui, en tant que directeur de caisse d'allocation familiale, par exemple, il avait des employés torturés, et de la même façon que pendant la guerre, sous Vichy, il avait protégé des juifs et des communistes, il se mettait à protéger des Algériens. Bon. Donc il s'est trouvé mouillé, et quand j'étais arrêté, il est intervenu pour me voir la première fois quand j'étais arrêté après l'arrestation de la Mme Mandela, parce qu'il y avait dans les carnets d'adresse de Rieder, il y avait mon nom. Ah, vous avez été arrêté plusieurs fois. Une fois, puis ils m'ont relâché pour voir où j'allais. Après, ils m'ont réarrêté en février. Il est tombé sur l'inspecteur Manfredo, qui était l'inspecteur de la DST, qui était un compagnon d'études de lui, et qui était un agent électoral du chevalier, des gros bras. Et l'inspecteur qui m'avait interrogé, c'est très curieux parce que c'est intéressant sur la minorité pierroire, c'est un imbécile qui ressemble beaucoup au frère de Mitterrand, le cinéaste. Sa fille allait à l'école à Fédemont et ma sœur était cheftaine de jeunesse, elle faisait le catéchisme, la fille. Et pour fermer la parenthèse, le type me présente à Alfredo, qui était dans son bureau avec mon père. Mon père a dit à Alfredo, je veux voir mon fils. On l'interroge. Il a dit, si tu ne me montres pas, c'est que tu l'as touché. Si tu l'as touché, tu vas entendre parler de moi, parce qu'il était conseiller économique et social, il était... Donc c'était une personnalité locale. Donc Alfredo me fait venir. Et l'inspecteur de mon père, il se croyait enfin, dit, ouf, il a la tête dure. Alors là, mon père s'est réveillé, le vieux démocrate chrétien, militant du Sillon, les yeux bleus. Il a dit, mais quand vous aurez affaire au père, ce sera bien pire. Donc du coup, il s'est mis à côté de moi, mais alors qu'il n'était pas d'accord. Et si vous voulez, c'est progressivement en cours de guerre qu'ils ont pris conscience que l'indépendance était une chose inéluctable. Donc ils ont fait une révision complètement de ce qu'avait été leur vie, parce que leur vie, c'était l'égalité des droits et des devoirs, l'égalité des salaires, l'égalité des allocations familiales. Mes parents, c'était la rivalité sur le plan social. Et il a fallu la guerre pour qu'ils comprennent que le problème était politique. Et c'est comme ça qu'il a été élu à la première constituante. Parce qu'il fallait des représentants de la minorité dans le cadre des accords des guerres. Et à ce moment-là, je me rappelle très bien la discussion avec Benbella Rider. Ah, il faut un cholet. Alors, problème, qui on prend, le père ou le fils? Ah, le père, bien sûr, parce que dans une société patriarcale. Donc, c'est comme ça qu'il s'est trouvé élu sur les listes au collège unique. Mais en fait, au moment où il est mort, il était nommé comme directeur de la première caisse nationale de sécurité sociale, qui était le regroupement de toutes les caisses de sécurité sociale, puisque c'était sa compétence. Et puis après, ben, il est tombé malade. Voilà en gros l'itinéraire, quoi, puisque vous posez la question. Oui. Enfin, disons que c'était par rapport à un moment donné. Alors, vous demandiez s'il y avait beaucoup d'Algériens dedans. Voilà, par rapport au problème de la justice sociale. Est-ce que la CFTC, de par son implantation. Alors, l'implantation de la CFTC, c'était beaucoup plus d'écoles blanches que d'écoles bleues. Hein? Donc, plutôt des employés dans des secteurs où, selon les secteurs, la Sonelgaz, les cheminots, les PTT, il y avait plus ou moins d'Algériens. Donc il y avait des endroits, selon les sections et selon la personnalité des gens qui étaient là, en Oranie, il y avait très peu de travailleurs agricoles, il y a eu un groupe de travailleurs agricoles dans les années 60. Il y avait quelques responsables algériens, mais peu, c'était vraiment des petits blancs. Mais qui plus ou moins suivaient, donc il y avait des compétitions entre FO, FTC, CGT, qui ressemblaient un peu aux compétitions qui existent en France. En fonction de la personnalité des dirigeants syndicaux. Quand ça a commencé à se durcir, mon père a pris très vite position contre la torture, contre les exactions, etc. Les gens renaclaient plus ou moins. Mais alors à partir de 58, quand les militaires, les comités de salut public ont pris le dessus, ils ont pénétré le mouvement syndical. Celui qui était le plus facilement pénétrable, c'était la CFTC. Alors là, ils avaient les gens du 13 mai qui ont dénoncé mon père comme père de Félaga. Donc là, il a été très digne, il a dit « Mes enfants sont majeurs, ils n'ont jamais vu. » Et oui, bien sûr. Et ma sœur, enfin, elle avait été arrêtée aussi. Alors, à partir de là, il a eu une grosse crise. Il a été soutenu par la CFTC française, qui à ce moment-là l'a nommé vice-président de la CFTC. C'était avant la création de la CFTT. Lui était à cheval sur la majorité et l'ancienne minorité. Oui, je voulais vous poser la question. Il était à cheval sur les deux, parce qu'il était... par génération d'âge et par formation plutôt de la majorité, mais en même temps, à cause de ses engagements anticoloniaux, il avait des contacts avec la minorité qui allait devenir majoritaire. Donc, je ne sais pas s'il a servi de pont, de couverture ou d'alibi, enfin bref, il faisait le pont entre les deux. Et ayant été mis en minorité ici avec Frodo, vous avez l'histoire du syndicalisme algérien, il y a du syndicalisme chrétien en Algérie, il y a un bouquin de Brancière là-dessus. Bien qu'étant en minorité ici, ils sont retrouvés soutenus par la centrale française, qui après était très heureux quand ils sont venus prendre contact avec l'UGT à Tunis, très heureux de me retrouver à Tunis. Alors je leur ai dit, bande de salauds, vous avez 8 ans, enfin, parce que je les connaissais bien, je les ai habillés. Bon, enfin, très enveloppant. Donc voilà, le cursus. Il y avait peu d'Algériens. Donc, il y avait quelques cas d'Algériens dont certains se sont retrouvés après au sein du GTA, sans plus. Mais, comment dire, le syndicat chrétien a disparu faute de combattants. Enfin, c'était à l'image du peuplement colonial. Grosso modo, le peuplement colonial est parti globalement avec ses curés, ses bistrots et ses charcutiers. Et quelques curés sont restés? Oui, oui, non, mais enfin, globalement. Quelques prêtres sont restés, pas toujours les curés. Les curés chargés de paroisse sont partis en même temps que les bistrots et les charcutiers. Je dis bien ce que je dis. Avec leur paroisse? Ben oui. Et les communistes libertaires, quelle était leur part? Les anarchistes, quelle était leur part dans la lutte pour la des paroisses de la Chérie. J'ai eu en main leur journal qui est paru à un moment et qui a été vite, semble-t-il, censuré et interdit, qui s'appelait Le Libertaire. C'était vraiment encore plus groupusculaire qu'en France. Hein. C'était très groupusculaire, oui, mais vous n'en entendiez pas. Ah non, non. Ça n'occupait pas du tout le champ médiatique, ni même le champ de conscience. Moi, j'en ai connaissais pas, mais enfin, ça peut exister, je suis pas contre. Des gens que je connaissais, c'était des communistes, donc qui portaient pas au pinacle les libertaires. J'ai su par les nationalistes que les gens de la 4e internationale, le groupe Lambert, avaient soutenu le mouvement national au début. Mais alors là, quand il y a eu les scissions entre les deux groupes des trotskistes, il y a ceux qui ont continué à soutenir Messali, ceux qui ont soutenu le FLN. Mais enfin, bon, c'est par là, c'est par Pablo, Raptis, j'ai très bien connu, c'est ceux qui avaient rallié le FLN. Et qui ont donné un coup de main au moment d'autogestion agricole, tout ça au début. Enfin, ça faisait partie des pieds rouges. Oiseaux migrateurs. Sympathique, hein. Intelligent, ouvert, cultivé politiquement, mais enfin. Comment ? Sans accrochage profond sur la population ici. Ils ont fourni certainement les premiers, avec Lyotard, les premières analyses intéressantes sur la sociologie de la révolution algérienne. C'est eux qui ont produit les premières analyses un peu pénétrantes. Quelle époque ? 59-60. Un socialisme dans les armes ? Oui, c'est ça. D'abord, je connais ça dans les mêmes sources. Mais moi, j'ai vu ce journal Les Libertaires, là, je l'ai vu à partir de 56. Ah. Oui, 54 à 56. Et les analyses étaient pour l'indépendance de la Chine. Oui, enfin, Le Libertaire, en fait, est une publication en France, mais qui a été diffusée ici, effectivement. Oui, alors, d'après l'interview que j'avais lue, il y a eu une structure, effectivement, Libertaire, qui a fait du travail. Il y a des gens qui sont montés au maquis, qui ont été tués. Et en fait, le gars qui était interviewé, en fait, est parti en France parce que, bon, en 57, il était sur le point de se faire arrêter. En fait, c'est un bien noir, c'est un fils d'Espagnol. Oui, je pense que c'est tout à fait possible. Dont le père, d'ailleurs, était parti en Espagne au moment de la guerre. Donc, il était espagnol immigré en Algérie, et en 36, donc, qui était aimé combattre du côté républicain. Et donc, mais en fait, il dit que tout le groupe, alors il paraît qu'ils avaient effectivement une petite présence, mais tout le groupe a été décimé. Et qu'en fait, le gars, c'est le seul survivant. Bon, il a 70 ans, mais en fait, il y a eu une répression terrible. Ouais. Oui, mais si ça pour sur un groupe de 10, mais c'est pas là-bas, si ils sont 9, ça fait 90%. Hein, c'est oui, fini. Peut-être. C'est pas... Donc, moi, j'en ai pas rencontré dans ma jeunesse, c'est ce que je veux vous dire. Je n'ai pas dit que j'ai tout rencontré, mais enfin j'avais bien connu l'aspirant Maillot, les gens qui étaient responsables des groupes de jeunesse communistes, on se connaissait, quoi. Donc c'est pas. Les libertaires ne connaissent pas. Je ne dis pas qu'ils n'ont pas existé, mais je ne connais pas. Bruno, il tient en parle dans sa thèse. Oui, c'est vrai que je l'ai rencontré au cours de mes lectures, j'ai rencontré deux fois les libertaires. Non, mais les libertaires ont aussi d'intéressants, comme tous les trotskistes, ils produisent beaucoup de papier. Ils savent que comme tout groupe révolutionnaire, il faut rester en survie dans les bibliothèques. Alors, quand vous faites la bibliographie, vous les trouvez. Ben, ceci dit, quand même, le directeur du Libertaire a fait un an de prison pour soutien. Non, mais je suis d'accord. Mais c'est pour dire que... C'est pas uniquement pour les archives. Non, c'est pour dire qu'il reste plus facilement de traces dans les archives que dans la société. Alors que des structures un peu plus lourdes, comme les communistes ou l'Église, c'est des choses qui laissent plus de traces dans la vie sociale, quoi, vous voyez. Oui, et puis il y a aussi le tempérament libertaire qui n'est pas toujours non plus le front de son drapeau, il ne peut s'afficher comme tel. C'est vrai que bon, dans le cadre de la lutte, ils ne sont pas apparus en tant que groupe non plus. Bon, mais il y avait pas tellement d'Européens dans la lutte. Oui, mais je ne sais pas si c'était uniquement européen. Mais enfin, disons qu'en plus, c'était sur le Maghreb, en fait. Il y avait une petite structuration. Bon, mais là aussi, je veux dire, bon, c'est vrai que peut-être c'est petit. Enfin, je veux dire, les comportements ne sont pas tout à fait ceux d'une organisation communiste. Ah, c'est sûr, c'est sûr. Non, non, ça, je veux dire, il y a ça aussi. Ah, oui, oui, bien sûr. Non, bien sûr. Non, je suis d'accord avec vous. Hein. C'est, moi, je, Rapti, c'était un homme très, très, très intelligent, très astucieux. Curiel était un type délicieux. Sa femme, encore plus, vraiment, c'est clair. Il y a des gens qu'on a connus, qu'on a aimés. C'est d'accord. Vous avez connu Curiel? Curiel, oui. Tu veux que je fasse ça? Non, non. On ne voudrait pas abuser de votre...